Voici l'humeur d'Ernesto Guillermo Guise. Voilà. Bonjour les amis, ça va? Alors évidemment vous connaissez un peu mes liens avec l'université de Cambridge. On va dire j'ai un peu de prestige là. Enfin, bon, pas un plus important. Je ne vais pas revenir sur le décès de Stephen Hawking qui était un ami, mais qui était aussi et surtout le physicien le plus surestimé de sa génération. Paix à son âme, on a fait des soirées mousse et tout. Mais franchement, je ne sais pas si quelqu'un a relu récemment sa thèse sur les propriétés de l'univers en expansion. Mais quand il dit que l'entropie ne peut pas décroître dans un système isolé, alors qu'on sait que dans une singularité le système thermodynamique est complètement désordonné à cause du tenseur de Weyl, t'as envie de dire Stephen, mec, par pitié quoi, tu vois. Si tu connais pas, tu parles pas, tu vois. C'est vrai, t'as déjà entendu parler de la théorie de la probité en politique de Patrick Balkany? Non, ben non. Voilà, c'est parce qu'il s'est jamais aventuré sur ce terrain-là, évidemment, chacun son expertise. Non, Stephen Hawking, vraiment. Quoi, si les médias sont autant focalisés sur lui, c'est parce que uniquement quand il était enfant, il faisait partie du groupe Les Poppies et que c'est le seul de la bande qui n'est pas tombé dans la délinquance ou les paris sportifs, etc. Mais sinon, en physique pure, voilà, il est un peu limité. Ceci dit, rien. J'aurais pu profiter de la présence de Michel Simès pour parler science, mais je préfère profiter de la présence de Nagui pour parler cocaïne. Figurez-vous que cette semaine. Non, mais tu vas te calmer, toi. Figurez-vous que cette semaine. Avec ton torchon à la place de ton t-shirt. Là. Figurez-vous que cette semaine. Les vêtements. Non. Moi, j'ai pas la chance d'être sponsorisé par une grande marque, monsieur. Mais moi, figurez-vous que cette semaine, Gérald Darmanin a annoncé que les douaniers français avaient saisi 9,2 tonnes de cocaïne en 2017. Ils ont battu le record de 2015, qui est quand même fou. Ça. Plus les douaniers saisissent de la coke, plus ils sont efficaces au boulot. Ouais, pareil, c'est le douanier, c'est l'inverse pour ceux qui doivent saisir de la beuh, évidemment. Ouais, chaque année, ça devient pire. Ils écoutent Pierre-Paul Jacques, ils ont faim tout le temps. Ça, c'est le problème des douaniers qui saisissent de la beuh. Ils ont besoin de plus. Quoi. Exactement. Ouais, donc voilà. Mais bon, 9,2 tonnes de cocaïne saisie, c'est quand même 9,2 tonnes en moins pour le consommateur français. Dans son ouvrage La douane nous fait tellement mal, Laurent Romeshko l'exprime avec beaucoup de justesse d'ailleurs. Depuis la pénurie, il n'y a plus un candidat qui a trouvé un mot en 9 lettres dans son émission. Là, c'est Delphine Ernotte qui est obligée de fournir l'équipe sur sa réserve perso. C'est quand même pas chouette. Et c'est pas un jugement de valeur. J'ai pris moi-même de la cocaïne quand j'étais plus jeune. Vraiment, je trouvais ça romantique et tout. Je voulais avoir la même vie que Frédéric Becbédé, figurez-vous. Et voilà, 10 ans plus tard, on y est. Je les avise. On est tous les deux chroniqueurs sur Franck Inter. Ouais, ça valait la peine. Rappelez-moi d'admirer Alexandre Jardin la prochaine fois. Ça me coûtera moins cher. Vraiment. Ouais, c'est cher la cocaïne. J'ai lu dans une étude que la coke était à 85€ le gramme en 2017. 85€ le gramme, alors qu'en 2010, elle était à 67€. 67€ le gramme, c'est curieux. Moi, j'ai connu des dealers dans ma vie, j'en ai jamais vu un de la monnaie, quoi. Vraiment. La drogue, c'est comme la fripe, c'est des métiers à prix rond, hein, vraiment. Tu fais pas patienter le client pour aller chercher ton fond de caisse, juste pas, Tom. Et jouez pas la carte de l'amnésie avec moi. Alors, hors antenne, vous me disiez justement, Tom, que depuis l'accord de paix en Colombie, la production explosait et la cocaïne était, je vous cite, d'une qualité bouleversante. Vous m'avez dit, oui, ma coke à l'école La Belle Leclerc, etc. Mais vos propos n'engagent que vous, Tom. Et je rappelle à nos jeunes auditeurs, enfin, à notre jeune auditeur, c'est une auditrice, je sais plus. Que les dealers, ils tapent tout ce qu'ils veulent dans la cocaïne, ça a le problème. Moi, quand je prenais de la coke, elle était coupée avec des CD de Danny Briand et tout, c'est vraiment pas bien. J'ai la cloison nasale tellement trouée que quand t'es dans ma narine gauche, t'entends tout ce qui se passe dans ma narine droite. Vraiment, il y a des Formule 1 qui sont mieux isolés, quoi. C'est vraiment terrible. Non, la sniffer, ça tue le nez, la fumée, ça rend addict. La cocaïne, mon conseil, il faut faire comme Leïla, la cuisiner. Vraiment, Leïla, c'est pas une grande pâtissière, mais son 4 quarts, 1 kg 2, 1 kg de lait, 1 kg de sucre, 1 kg de coke. J'ai même Mercotte à essayer de lui piquer l'idée, tu vois. Donc c'est vraiment c'est un tour de force. Mais parfois, la sensation de ça me manque parfois. Il y a des côtés cool. Forcément, je sais que je devrais pas dire ça devant un médecin, mais s'il prend de la coke, ça te filait seulement la chia, c'est l'accent polonais. Tu vois, Pablo Escobar, c'est devenu obstétricien, quoi, clairement. Et il sera encore en train de rembourser un prêt à Medellin. Mais j'en prendrai plus jamais, par contre, vraiment. Je prendrai plus jamais de coke parce que ça m'a toujours rendu plus con. J'en prenais et voilà, pendant 3 minutes, je parlais sans interruption que de moi, avec l'impression que ça passionnait les gens autour de moi. Oui, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Allez, bonne émission, les amis. Merci. C'est de la merde, la coke, je me rappelle.